Je voudrais le soleil à minuit. Je voudrais la lune à midi. Je voudrais un petit chat qui aboie. Je voudrais un chien sur les toits. Je voudrais, belle Emma. Je voudrais que tu restes avec moi. Je voudrais le Colisée à Paname. Je voudrais le Louvre à Bergame. Je voudrais le mois d'août en janvier. Je voudrais le Père Noël en juillet. Je voudrais, belle Emma. Je voudrais que tu restes avec moi. Je voudrais le Mont Blanc à Berlin. Je voudrais la mer à Turin. Je voudrais un lion qui s'envole. Je voudrais une vache qui rigole. Je voudrais, belle Emma. Je voudrais que tu restes avec moi. Je voudrais le soleil à minuit. Je voudrais la lune à midi. Je voudrais un petit chat qui aboie. Je voudrais un chien sur les toits. Je voudrais, belle Emma. Je voudrais que tu restes avec moi. Je voudrais, belle Emma. Je voudrais que tu restes avec moi.